Voici la chronique blockbuster de Frédéric Sigrist. Bon, ce matin, donc inutile de vous demander de quoi vous allez nous parler, puisqu'un nouveau Spider-Man est visible sur nos écrans et cartonne depuis mercredi. Eh bien oui, Mathilde, je plaide coupable. Moi et les Spider-Man au cinéma, c'est comme Jean-Luc Mélenchon et les présidentielles. La question, c'est pas de savoir s'il va y aller, mais s'il va plus les aimer que celles d'avant. J'ai donc vu Spider-Man No Way Home, que l'on pourrait traduire par Spider-Man Pas moyen de revenir, ou Spider-Man Manuel Valls, comme on dit dans le milieu des journalistes politiques. Et si, il y a 15 jours, j'ai accusé le film SOS Fantôme, l'héritage, d'avoir les yeux tournés vers le passé, là, oh boy, Marvel Studios et Sony sont allés 1000 fois plus loin. Ils ont pris une DeLorean comme dans Retour vers le futur et ils ont carrément racheté le passé. Dans l'histoire du cinéma, c'est simple, on n'a jamais vu ça, Mathilde. Le studio Marvel, dans lequel évolue le jeune Tom Holland, l'actuel Spider-Man, est un héros encore au lycée, équipé d'un costume dernier cri, petit protégé du défunt millionnaire Iron Man, hein, une sorte de Justin Bieber hyperactif parrainé par Elon Musk, avec une tante May, qui n'est plus une vieille dame souffreteuse capable de faire un infarctus après un bingo animé trop bruyamment par Julia Lepers. Non, cette fois-ci, elle est jouée par Marissa Tomei, qui a clairement été pensée par les producteurs libidineux pour illustrer la catégorie MILF sur des sites interdits au moins 18 ans. Bref, cet univers Marvel-là, il date d'il y a 13 ans. Avant cela, en 2012, Spider-Man avait été joué par Andrew Garfield dans deux films réalisés par Mark Webb pour le studio Sony intitulés Amazing Spider-Man. Et avant cela encore, en 2002, il y a donc quasiment 20 ans, Spider-Man était joué par Tobey Maguire dans trois films cultes de Sam Raimi qui ont défini ce qu'on pouvait faire de mieux en matière de super-héros sur grand écran. Et jusqu'à maintenant, ces trois univers s'ignoraient comme des candidats de gauche en campagne. Pas d'alliance possible. Arnaud Montebourg avait beau passer des coups de téléphone pour faire bouger les choses. C'était non ! Mon film Spider-Man, il viendra pas jouer avec le tien. Pourtant, dans la bande-annonce de ce dernier Spider-Man, on a vu apparaître Alfred Molina, qui jouait le Docteur Octopus dans le Spider-Man de Sam Raimi, et Jamie Foxx, qui jouait Electro dans ceux de Mark Webb. Car oui, Mathilde, il s'est passé un truc depuis. Les studios ont découvert le multiverse. La boîte de Pandore des scénaristes en manque d'imagination. Un concept qui existe depuis très longtemps en bande dessinée, mais qui n'est apparu à l'écran que dans des séries comme Sliders, ou des séries CW comme Arrow ou Flash. Dernièrement, il y a aussi eu l'incroyable film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse qui a même été oscarisé. Le multiverse, Mathilde, c'est l'ensemble des univers semblables au nôtre, mais où il y aurait une autre version de vous qui aurait fait des choix différents. Par exemple, dans le multiverse, il existe peut-être une réalité où il y a une Mathilde Munoz qui fait des nuits de 12 heures. Une autre où Anthony Bélanger... C'est où, je veux y aller. Ah bah je sais pas, peut-être, elle existe forcément. Il y en a peut-être une autre où Anthony Bélanger peut faire des chroniques de 9 heures sur le bouton ou l'art des Estrusques. Et donc Marvel Studios et Sony ont tout simplement avalé et intégré dans leur propre univers la vision de réalisateurs et d'acteurs de films vieux de 20 ans, qui se retrouvent du coup à avoir joué un film Marvel Studios avant même que ce dernier ait existé. Chez le concurrent Warner avec DC Comics, le Batman de Tim Burton, interprété par Michael Keaton en 89, s'apprête à comparer la taille de sa Batmobile avec celle de Ben Affleck, le Batman de 2016, dans un prochain film Flash. En gros, si vous avez réalisé un film ou une série de super-héros les 20 dernières années, vous étiez déjà en train de travailler pour Disney ou autre, sans le savoir. Si à cela vous ajoutez des liens à des séries uniquement visibles sur Disney+, ou même annulées par Netflix, vous avez le plus grand bac à jouets pour enfants gâtés de l'histoire du cinéma. Martin Scorsese parlait des blockbusters modernes en disant que ce n'était plus du cinéma. Eh bien, force est de constater qu'il a raison. Spider-Man No Way Home, c'est plus un film, c'est une démonstration d'hégémonie culturelle et économique. Une situation vieille comme le monde dans l'univers de la bande dessinée, où les créateurs n'ont aucun droit de regard, ni même royalty sur le destin de leurs personnages. Et sincèrement, c'est aussi fascinant qu'effrayant. Seule consolation, dans le milieu de la bande dessinée, à un moment, les dessinateurs se sont barrés pour dénoncer ce système et créer un studio où ils pouvaient garder les droits de leurs personnages. Alors je n'ai pas spoilé le film Spider-Man, mais par contre, je vous ai peut-être spoilé la fin de cette industrie. Oh, merci beaucoup Frédéric Sigrist.